Chapitre 22. Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, fut saisi de fureur, et il envoya des meurtriers mettre à mort tous les enfants qui étaient à Bethléem, âgés de 2 ans et au-dessous. Et Marie, apprenant que l'on massacrait les enfants, fut remplie de crainte. Elle prit l'enfant, et l'ayant enveloppé de linge, elle le coucha dans la crèche des bœufs. Élisabeth, informée que l'on cherchait Jean, s'enfuit dans les montagnes, et elle regardait autour d'elle pour voir où elle le cacherait, et elle ne trouvait aucun endroit favorable. Et elle dit à voix haute et en gémissant, « Ô montagne de Dieu, reçois la mère avec le fils !» Et aussitôt la montagne qu'elle ne pouvait gravir s'ouvrit et les reçut. Une lumière miraculeuse les éclairait, et l'ange du Seigneur était avec eux et les gardait.